100% Planète Rap. C'est parti pour la nocturne 100% rap français juste après D-Fool avec ce soir dans le studio Rockin' Squad est là. Word. R.O.C.C.A. est là. Rocka. Paka, paka, paka. DJ Duke. Yeah, boy. Est au contrôle. Bienvenue, messieurs. Comment ça va? Ça va bien. En pleine forme. Tout de bien. Tout de bien. Ça va, merci de nous recevoir. Parce que là, il y a quand même un événement qui se profile à l'horizon. Dans une quinzaine de jours, le 31 mai, voilà. La Cigale. Voilà. Avec donc un show, quoi. Assassin, ouais, Rockin' Squad. Retour vers le futur. Donc ça veut dire que c'est un show basé sur les morceaux de 89 à 2000. Et avec Rocka qui va faire une prestation de fou furieux aussi. Yeah, yeah. En première partie? C'est même pas une première partie, c'est une prestation de fou furieux. D'accord, donc c'est une sorte de concert en commun que vous allez faire. C'est gros show, plein d'énergie. Et alors, qui a invité l'autre? C'est Assassin qui... Non, ça fait très longtemps qu'on avait collaboré ensemble. Et il s'est trouvé que j'étais de passage sur Paris en train d'enregistrer un album. Et Assassin m'a appelé direct. Et moi, en général, quand il m'appelle, je dis toujours oui. Sur ce genre de projets musicaux, parce que c'est du sérieux et c'est musical. Et en même temps, c'est de l'histoire, puisque tu le disais, un show basé sur les titres des années 90. Donc pour tous ceux qui veulent avoir une petite page d'histoire, se souvenir ou même découvrir, parce qu'il y en a aussi peut-être qui vont découvrir. Ben là, on le voit, on est en pleine tournée. Enfin, c'est une tournée, Retour vers le futur. Et donc on a fait plusieurs dates déjà. Et on voit que ouais, le public est très hétéroclite, on va dire. Tu vois, c'est très mélangé. Et c'est bien. Tiens, il sonne d'ailleurs, le public sonne, il est là, il est. Le public appelle tout le temps. Le public 24h/24. Il appelle tout le temps. Même à minuit et demi, il n'arrête pas. Non, et puis c'est vrai que même physiquement, vous n'avez pas changé. Le seul vraiment, c'est Duke qui a pris un coup de vieux. Mais sinon, pour vous, c'était gratuit, pardon. Pas vraiment, mais il est tellement jeune au fond de lui. C'était gratuit. Tu vois, Duke a un cœur de jeune adolescent tout le temps. Bon, on va débuter avec une session. Il y aura du live dans l'émission ce soir. Là, on va repartir. On va vous faire un gros freestyle, la Rocka Rockin' Squad. On va essayer de mettre ça dans les archives même du hip-hop français. Et ben allons-y. On voit. On débute avec quoi? Des morceaux d'Assassin, des morceaux de Squad, des morceaux de Rocka. On va jouer des morceaux Assassin, Rocka, Atlika. Et que voilà de cette période-là. Et ben c'est parti, coup d'envoi. On commence avec gros classique, Esclave de votre société. Voilà pour les fondations du hip-hop, même en français. Si les gars ils sont en train de rapper aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait des gars avant vous qui sont battus, qui ont travaillé dur pour que les maisons de disques, l'Assassin, tout ça fonctionne et puisse se régénérer de l'argent. Donc voilà, ça c'est les fondations. Esclave de votre société, Assassin papa. Et ensuite, Serbacane. Et c'est classique. Hein. Et nous en sommes les pions. Tu rentres dans la vie active, bienvenue dans le monde des requins. L'état est pire qu'un gang, ils nous volent dans la ville. Il n'y a rien à faire, accepte ou pars en guerre. Les magouilles dans ma de l'essence ont géré mes affaires. Maintenant je prends du recul, je vois qu'on nous encule. Je calcule, j'accumule les formules, prends des coups et bascule. Mais jamais je ne capitule. Une société de grosses masses, voilà l'éducation pour nos garçons. Assassin production se lève et dit non. Non à la soif de pouvoir dans un monde de moins en moins pur. Oui à la culture, pour bâtir mon futur. Je pointe du doigt le gouvernement et l'assemblée. Pour vous dire que je ne serai jamais esclave de votre société. Les lois sont bien ancrées, la 5ème République est loin de changer. Les partis se renvoient la balle quand ça commence à chauffer. Dans mon quartier, le 18ème arrondissement, mon poids s'y est large, éduqué et comprend. Il paraît que c'est plus facile d'être écouté quand on est blanc. Il paraît que je suis un fils de bonne famille, donc en avant. Car depuis l'âge de 15 ans, je combat et j'abats tous ces fils de pute qui se croient frérot quand ils nous voient. La vie est pleine de principes, qui a instauré ça? Je sais que dans mon pays, la religion chrétienne en a l'état. Selon le passé, selon l'éducation, selon l'histoire d'un peuple, chacun a sa vision, chacun a sa vision, mais aussi sa version. Et elle n'est jamais en accord avec la constitution. Je rentrerai dans le système car je n'ai pas le choix. Mais ce sera pour mieux le ken, vous pourrez m'appeler renégat. Mais je ne suis qu'un poète qui jette quand il injecte. Grâce à sa tête, une description parfaite du pouvoir en place. Que je glace et sur glace, puis dans mon votre société. Et clos pour eux, c'est clair. Mon esprit analyse, transcrit sur le papier tout ce qui, à mon avis, pourrit la société. Ce clip ne représente que le premier chapitre de l'accumulation des fils de bâtards qui contrôlent ma nation. Oui, Assassin Wrecking Squad, aujourd'hui pousse les portes. NTM Productions m'apporte son soutien et m'escorte. Dans ma quête, ils acceptent mon concept pour enfin tenir tête aux dirigeants, la gouvernement. Oui, nous sommes des troubles faits, car la fête est finie. Sérieux est ma mission quand il s'agit de ma vie. Le pouvoir est légal, mais légal pour qui? Le système tourne dans le sens de mes ennemis. Mais mon style s'y frotte et développe l'antidote contre une politique qui suffoque, donc je la bloque. Et rétorque de ma voix quelque chose de sensé. Je ne serai jamais esclave de votre société. Yeah, yeah, Assassin Production, Wrecking Squad, ici en action. Rack-a-tack-a-tack-a-tack, la fondation de hip-hop français. En direct pour la ceinture de feu, toute l'hexagone, tout P-A-R-I-S. R-E-O, C-C-A, cool, ça le son tant qu'est ça, papa. Yeah, yeah, yeah, yeah, pour tous les kiffeurs de gros sons. Depuis 1994, ici mon crew, la clica pour ceux qui connaissent pas. Les fondations aussi du hip-hop français, un gros kiff pour tous les gars de l'ancienne génération et de la nouvelle aussi qui sont en train de l'apprendre. Yeah, papa, hip-hop boom, forever. Boom, boom. Soirée classique, retour vers le futur, les racines. Hey, yo, yo, qu'on voit ça. Des fractions, des têtes qui déconnectent le système d'alarme. Avec précision, j'injecte mon intellect, infecte ce fond qui t'aime. Je fais éruption, sème les confusions, dilemmes. Je suis l'homme que tu détestes, mais celui que ta femme aime. J'attaque à main armée, claque chaque brode, vide mon sac comme envie d'un cognac. Remarque, mon signe du zodiaque, c'est le taureau. Recto verso, je suis scorpion, petit mec, petit mec. Balance, balance, toi, je le fais bien pour toi. Ramène ta bonne femme, on laisse les flammes chez toi. Bing, bing, à moi tout seul je forme un gang. Avant de parler ton dans la bouche, cette fois ta langue. Cash flash, pas de tapis rouge d'autographe. Je ne suis pas une star mais un jeune de la rue qui taffe. De nature dure, de futur un peu moins sûr. Pur produit de la censure, je mesure mes ouvertures. L'écriture. En guise d'arme calme l'âme. Je vise autour du drame, du vacarme de la cam. Le respect commence par celui de soi-même. On apprend vite dans la rue à protéger ce que l'on aime. Sa peau, avant tout ma famille, puis mes bancos. Poco loco en la calle, non sa casa su coco. Mais dans une jungle dingue, sauvage et de gagne. J'ai fini par manier le mi-dingue, comme les avocats dingue. Mais dans une jungle dingue, sauvage et de gagne. J'ai fini par manier le micro, comme une sarbacane. J'ai grandi dans la faune, la jungle, la loi du plus dingue. Là où les hommes se distinguent par la taille du flingue. Trilingue. Hablo espagnol, français, c'est le langage des bêtes. J'accepte d'utiliser la manière forte quand elle s'y prête. Planète, guerre. L'enfer sur terre, une guerre dans l'annuaire. Mer, dans la mer calverde, cité bunker. Ici du tiers-monde, d'outre tombe où l'orage gronde. Je surplombe comme la colombe. L'hécatombe qui tombe, telle une bombe. Je tourne le drame dans tout Paname. Mon fond qui tam-tam, lève le jeune du macadam. Tout s'enflamme, grimpe, brûle, mais le béton reste sur place. Casse, las, menace, froisse. La masse qui s'angoisse. Élevé parmi les bêtes, la ville est pleine de Tarzan en basket. Plus ou moins adepte au dialecte de la gâchette. La frousse retrousse, l'armor de la housse. Le stress pousse dans la brousse. Le grand mange le petit en douce. Fils de l'injustice, métisse du vie, je suis l'épice qui dérisse les poils. Lis bien la notice avant de kiffer mon style. La rumeur de l'orphelin, l'enfer vert pour certains. Je plains Lydiana Jones qui perdra son chemin. L'espoir et le vouloir de tous les jours éclaire son brouillard, j'ai trouvé la portée secours. L'espoir et le vouloir de tous les jours éclaire son brouillard, j'ai trouvé la porte de secours. Mais dans une jungle sauvage et de gagne. J'ai fini par manier le micro comme une sarbacane. Baka baka baka baka baka. Sauvage et de gagne. J'ai fini par manier le micro comme une sarbatana. Yeah yeah, la clique active depuis 94, papa. Classic shit. Comment ça va? Bien. Qu'est-ce que tu deviens, franchement? Les barreaux de ta tôle ressemblent étrangement à ceux de ton ex. Piole, drôle de vie. La routine nous nuit, la chance nous blouse. Ici tout suit son cours, on court toujours après le flouze. Le 12 coup en main épouse. Bien la forme de quartier moche et droit. Commence par ce qu'il y a dans tes poches, gars. La Mercedes du coup intéresse une jeunesse en détresse. Faire du business est un instinct de survie pour l'espèce. On pince les mauvais garçons, les coins sans son. Au fond les chansons minces. La rue n'est qu'un long fleuve parsemé d'hameçons. Grince les jours comme les portes d'un pénitencier sans détour. La vie là-bas est tellement compliquée. Da-dou-di-da-dou-da. Certains pètent les plombs, vont chez les fous d'aplomb. Je reprends mon crayon, le sillon glisse sur le vigile. Mes os, j'ai l'âme sur la rythmique, puis mon arme automatique. Clic, clac, clic. Le compas, gros gâteau, sac en vrac. Chaque attaque te claque quand je me prends sur une prise. Jack, Jack. Je suis le sonneur de Requiem, même je blasphème le système. La revue, mon deuxième baptême. Je me protège des flics comme des virus. Mais comme motus, les guérillas urbaines suivent ce processus. La peur, le malaise, l'exil se fait sentir. Mes mots sont des flèches que je tire. Né dans une jungle, sauvage et jungliane, j'ai fini par manier le micro. Comme une selle bacane. Né dans une jungle, sauvage et de liane, j'ai fini par manier le micro. Comme une selle bacane. Roca, el jefe de la clica, Arsenal Production. Ah, pour la clica. 1995, muchacho, aquí llego yo. Así me gusta. C'est la nocturne avec la clica comme une sarbacane à l'instant. On a débuté aussi avec un son d'assassin. C'est quoi les souvenirs? Parce que toi, évidemment, Squat, t'étais là avec au tout début les fondations du rap français. Mais et puis la clica qui va arriver, c'est un peu la deuxième génération très vite dans les années 90. Quel souvenir t'as de la clica, toi, les toutes premières fois que t'écoutes? Bah déjà c'était un groupe du 18e, tu vois, enfin c'était comme ça qu'ils étaient tamponnés. Et le style dans lequel ils sont arrivés, j'ai trouvé ça fantastique. Mm-hmm. Tu vois, c'était vrai hip hop, tu vois, qui était vraiment inspiré de toute l'école du Queens, tu vois. Donc c'était vraiment super super bon souvenir, vrai. Enfin de toute façon, l'histoire l'a prouvé, hein. La clica, ça a été une des pièces marquantes de l'histoire du hip-hop en France. Hein. Ça a retourné les cerveaux de tout le monde, quoi. Et toi, Roca, donc inversement, les souvenirs d'Assassin que t'as en tête? Bah moi, je connaissais les lyriques par cœur de... À l'époque, tu sais, c'était Radio Nova, et on était obligé de copier les cassettes qu'on écoutait le dimanche du Nastyle, et on se les échangeait. Quand un gars avait un poste de cassette double qu'on pouvait copier de cassette à cassette, c'était incroyable. Et les cassettes se tournaient, on rappelait tous les freestyles de Nico Mok, de Little, de New Generation MC, de Doudou, Timide et Sans Complexe, Rocking Squat. On connaissait tous les freestyles par cœur, M. Woody, Rico Reverse. Tout, ouais, tous les gens jusqu'à ce qu'arrivait vraiment, pour moi en tout cas en ce qui me concerne, la compil Rap Attitude. Ouais. Et voilà, donc. Ou d'ailleurs, on trouvait Assassin, NTM. Voilà, c'est nos fondations. Pour moi, c'est mes fondations et c'est les fondations qui ont fait qu'aujourd'hui, il y a des groupes. Après, tu peux ne pas aimer ou aimer ce qu'ils font, mais ces groupes-là doivent tenir en compte que s'ils sont là aujourd'hui, qu'ils peuvent rapper, qu'ils peuvent vivre ou espérer de vivre de leur musique ou de l'industrie du hip-hop, c'est grâce à ces fondations qui sont là, voilà. Qui ont fait qu'aujourd'hui, les musées de disques s'intéressent au rap, les radios passent du rap et tout ça. Et donc ça, c'est les fondations. Jamais tu verras aux États-Unis quelqu'un qui parle mal de l'ancienne génération de Public Enemy, de KRS-One, de ouais, même de Dougie Fresh, de Curtis Blow. Voilà, personne. Ouais. C'est les bases, c'est les fondations. Et je trouve qu'en France, comme malheureusement c'est une culture qui a été importée de dehors, elle est pas logique son évolution. Et il faut reconnaître les bases, il faut les avoir, parce que c'est la source même de notre culture. Et quoi que qu'il arrive, tu fais partie d'un mouvement qui s'appelle le hip-hop. Et il y a des gars qui étaient là avant toi et qui continuent à être là. Même s'ils sont un peu dans l'ombre du show business, comme dirait Kerry James, mais ils sont toujours là et toujours présents. Et écoute-les sur un micro, tu vas voir ce qu'ils vont te faire. Et, ben, et nous, on a même, tu vois, on a même ça. Il parle de la partie musique, mais il y a aussi toute la partie graffiti artiste, tous les gens qui dansaient, les premiers DJ qui ont fait que que cette musique a été aussi jouée dans les clubs, jouée dans les parties et tout ça, tu vois ce que je veux dire? Exact. Donc voilà, donc c'est très important. Et ben là en tout cas il y aura une belle partie, c'est le 31 mai à la Cigale. Voilà, tu vois, dans ce show là on a essayé en fin de compte de, en représentant cette musique des années 90, on essaie de ramener aussi cet esprit, tu vois, qui est cet esprit qui était un mouvement. Et puis l'esprit aussi, parce que c'est vrai que la Cigale c'est un lieu un petit peu emblématique aussi de cette musique, de cette culture. Ouais, surtout c'est, pour nous, hein. Et pour vous, ouais, pour Assassin, pour Squad, pour. Pour moi, pour la Clican, on les a remplis. La Cigale, c'était vraiment les premières grandes salles qu'on jouait avant de pouvoir atteindre l'Olympia ou les grandes salles comme c'est, ça. C'est les salles qui s'ouvraient au hip-hop justement à l'époque. C'était le cas de la Cigale. Bah, de toute façon, tu vois, la Cigale, le 23 mars 1991, c'est la première fois que Assassin joue à la Cigale. C'est la première fois qu'un groupe de rap français remplit une grande salle parisienne. Voilà, c'est la première fois. Il n'y avait jamais eu aucun groupe de rap français qui avait rempli en son nom une grande salle parisienne. Et voilà, et je voulais dédicacer à Jacques Renaud, paix à son âme, qui a été vraiment pour moi en tout cas une personne qui m'a énormément aidé, qui m'a énormément appris dans ce business. Et plus tous les gens de Corrida qui ont fait que Assassin a eu des vraies fondations et juridiques et artistiques. Voilà, donc c'est bien d'y retourner 23 ans après. Et ben 23 ans après, ils y seront le 31 mai à la Cigale. Et là, on repart quoi sur session freestyle d'entrée de jeu là. Voilà, entrée de jeu. Parce que comme toi, tu fais tout le temps les sessions freestyle à la fin. Et ben là, on va le faire maintenant. Okay. Voilà. Donc voilà, Roca, t'es prêt? Je suis prêt, papa. On est là, on va tout niquer. Paname, la province, l'étranger. Soyez prêts, c'est y part. Hey yo, on voit ça, DJ Diou. Boom. Blah, banam, banam. Back to the old school, papa. Retour vers le futur. Fucking squat et les hauts, CCA, on voit yo. Ça. Le futur, disque d'or, l'homicide, disque d'or, wow. Touche d'espoir, disque d'or, wow. Sans avoir fait n'importe quoi, wow. C'est normal quand j'ai débarqué dans cette industrie de faux. Mon flow avait déjà l'expérience du blues de Chicago, oh. Je ne suis pas rentré dans le rap français, moi je suis hip-hop, ah. Tu sais ce genre d'artiste qu'on trouve pas au fond de tes chioches, ah. Ayant les rênes en main, j'ai commencé à poser ma vision. Pendant que les MC vendaient des rêves en carton, j'ai fait tomber les thèmes les plus atypiques de notre mouvement. J'ai amené la rue à penser autrement, ah. Je vous ai parlé d'écologie, d'indépendance, d'économie, d'exclusion, d'esclavage moderne, d'écrire contre l'oubli. Je vous ai rappé des kilomètres de rimes avec mon style sublime, jusqu'à ce que France-Afrique devienne un putain d'hymne. J'ai anéanti vos MC bidons sans même le vouloir. Aucun chien à voir quand passe la panthère noire. Je n'invente rien que du vécu. Rien du vécu. Formé au combat, l'industrie l'a pris dans le cul. Depuis la formule jusqu'au centre des polémiques, l'artiste au poids politique, la France me suce la bite. Je n'invente rien que du vécu. Rien que du vécu. Formé au combat, l'industrie l'a pris dans le cul. Qui sait se bap tout, qui a canal big up l'Afrique, qui a réduit le showbiz et ses paillettes en merguez frites. Paca, paca. Et les OCCA, colombianito, Kutsa, papa, yeah. MC, mais tu te crois fort, parce que tu pètes le score, mais t'es déjà mort. Tu te crois fort, parce que tu pètes le score, mais t'es déjà mort, hein. Marre d'écouter que le rap, c'était mieux avant. Ces mêmes gens disaient la même merde dans mon temps. On traumatisait déjà tout le rap en français. Après nous, personne prenait le mic, je sais que tu le sais. Y'avait grave du niveau et le buzz venu du bitume. Pas des passages radio, encore moins des clics sur YouTube. Aujourd'hui tout le monde rappe, surtout des carottes. Des punchlines dénuées de sens, ce bout de chiottes. Ils se clashent tous entre eux, mais rap tous pareil. S'inventent une vie de voyous, rêvent tous de croquer l'oseille. Y'en a qui font de la peine sans flow, sans voir aucun show sur scène. S'ils posent sur un biggie, ils perdent le BPM. Parlons des anciens qui n'ont pas su évoluer, fossilisés dans le passé, amer, nostalgique, perturbé. Qui critiquent à tel et l'autre, mais envie leur thune comme des pauvres. Et vivent tels des taupes dans une aigreur qui vaut. Moi j'aime le hip-hop, tout est pop dans mon iPod. Que du top, tout Snoop Dogg, Workshop. De rigros à pitrock, mon pote. Ceux qui comptent français comme en Spanish, sin problema, ya tu sabes. Au péto dans terreno, ça te fait baver. Yeah, uh-huh. Ça continue classique sur classique, yo. Depuis 90 à 2014, papa. Ça dit quoi, boy? Ça dit qu'on va foutre le feu, papa. On reste sérieux dans nos affaires. Dans la façon dont on parle à nos frères. Chaque CD gravé est une part de vérité. Je ne peux pas couiller. Aujourd'hui, trop de gens sont concernés. On reste sérieux quand on parle à notre public. Faut qu'il n'y de l'âtre aucun MC. Chacun de nous est magique. Personne m'impressionne, mais chacun de nous est unique. Combien le réalise et combien meurt trop vite. Je répète, on reste sérieux dans nos affaires, dans la façon dont on parle à nos frères. Chaque CD gravé est une part de vérité. Je peux pas couler. Aujourd'hui, trop de gens sont concernés. On reste sérieux quand on parle à notre public. Faut qu'il n'y de l'âtre aucun MC. Chacun de nous est magique. Personne m'impressionne, mais chacun de nous est unique. Combien le réalise et combien meurt trop vite. Le rare pleura, non, tu peux prendre la caille et dire où ce mec tient le trou. Son histoire n'est pas floue. Où on peut le check, où on peut lever trou, où sont les albums de rappeurs fat, où sont les albums de son crew. Assassin, futur incertain, mais pole position sur le terrain. Quand le hip-hop devient le moyen de redonner d'espoir aux gamins, aux gamines, aux anciens, aux vermines. Rocking, rocking sur place, tout les gars, si c'est jumping, jumping. Mon expression vaut toutes les manifestations. Et quand je squatte ta station, on se souvient de ma prestation. Rappelez-vous qu'avant, aucune radio ne jouait du hip-hop. Et aujourd'hui, ils veulent tous transformer notre musique en pop. Hey, hey, ça dit, y'a quoi, y'a quoi, dans le mix, kick pour la bass, kick pour la caisse, kick pour la basse, kick dans ta mère, près de 30 ans de carrière, tu connais la rime, je vais pas la refaire, je vais pas la refaire, sérieux dans nos affaires, trop de crew dans la misère, trop peu sont milliardaires, trop peu extraordinaires, c'est la musique pour les homeless, les clans de haut, les escapés, la souplesse, j'ai tapé pour du kiff à m'écouter. Ça va, Yoki. Esto no es salsa choque. Americano solo rap hip hop. Y en español papá, aquí llego yo. Bien. De la fauna amazonienne, colombienne, papa. A la fauna parisienne, R-O-C-C-A. Je refais des factions, détecte, puis déconnecte ton système. Deuxième incision, j'affecte ton intellect, t'injecte ce fond qui t'aime. Première convulsion, je sens tes pulsations, pas de veine. Je suis l'homme que Paris déteste, mais celui que le monde aime. Ma voix sonne de Dakar à Brooklyn. Je m'enfile dans toutes les villes comme des narcos de Medellín. Parlo, hablo, trois langues. Mais fuis-toi de l'eau qui dort, je suis pire qu'un caïman d'Amazonie. Vas-y, bouge de l'échine, mon marque tu kiffes. Fais un signe, arrête ta frime. Tous lèvent les bras quand je dégaine mes rimes. Bing, bing, à moi tout seul, je suis une légende. Aucun MC l'a bougé, été pompé comme un flambe. Cash, flash, full tapis rouge, full autographe. Mais je reste le même bourre, encore plus fort, encore plus de boire. Lâche tes braves, cisaille, cravache, chaque paragraphe. Mâche, recrache, tous les ragots sur moi, mon vache. J'ai aiguisé mon style, taillé minutieusement ma diction. Peigné ma prose dans le béton pour perfectionner mon poison. Ajuster mon tir, mon bon sens de l'orientation. Précis comme un faucon flot, dangereux comme le scorpion. Terrain de parole coriace et incorruptible. Dans cette faune j'en ai vu se faire bouffer gare aux âmes sensibles. Pas de coke, la rage est le seul charbon qu'active ma loco. Dealer en la calle non sa casa. Aïe aïe aïe. Ça dit quoi squat? Ça pue le hip hop à plein nez. C'est ça papa, c'est ça. Underground s'exprime papa. Ça y est, les fréquences de ma voix vacillent dans l'atmosphère. Ma seule patrie et mon poids c'est qui part en guerre. Lors des latitudes de ce nouveau chapitre, le putain d'artiste au poids politique et l'académie mythique ne pourront jamais être stoppés dans leur ascension. Ni le fléau médiatique, ni les partis politiques n'arrêteront cette putain de production. La censure est présente, pourtant la formation circule. Le poids si assassin est celui que personne ne manipule. Au fur et à mesure, j'avance pour mon futur, mais jamais ne vends mon cul pour gagner de l'allure. Et si malheureusement tu es jaloux de ça, tu deviens un arriviste dans le domaine dans lequel depuis des années je me bats. Mais pourquoi m'attarder sur ta personne? Le hip-hop a son histoire et celle-ci connaît l'ancienne école. Donc reprenons pour une audience qui perd patience. Esclave de votre société est une chanson sur laquelle les jeunes pensent. Alors pourquoi vouloir s'attarder sur son sort? Cherchons plutôt à savoir tout ce que l'on ignore. Tu vois, je ne fais que kicker ma merde. Qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui passe? Assassin la chica, Stalking Squad, paca. América Latina, Europa, papa, Africa. C'est ça même. C'est ça. Toujours la Toulouse. Aquí llegó mi sabor yoki, papa, mi saoko. Savoureux. Vamos aquí a romper ese coco. Pa' todos los latinos de París. Favelado. Mega kiv la América Latina. Trabajador latino. Tic, papá. Escuche esto bien. Tengo unas ganas de cantar, pero mi voz coge otro rumbo. Sonero no ser, en cambio en el rap sí que tumbo. Vamos a darle saoko, a esa mano de loco. Con gabongo te toco, prenda el blunt y yo me enfoco. Chango, canto, yema, ya se forma el bembe. Cuiro, siempre clave el nene. créeme. Palvo chinchero primero, guaguanco callejero. Suena cuero en el cuerpo entero, severo ese rapero. Mero, mero, miñero, ruñeme, mamá, me muero. Sabor a varios obrero, empecé de cero, parcero. Buscando dinero, manera de definirme. El que espera, termina perdiendo la guerra. Y yo solito con mi tumbadito. Y donde voy agito bandera, pues soy colombianito. ¿Qué hizo? Y si me salen las rimas de puro corazón, saquen la aguardiente y el ron, vamos al vacilo. Yo vivo libre, mami, aunque me duela. La calle fue mi escuela. Nada que me frene, nada que me apele. Agua, si no te gusta no me suene. Veren, yo vivo libre, mami, aunque me duela. La calle fue mi escuela. Nada que me frene, nada que me apele. Veren, si no te gusta no me... A mí, que no me clasifiquen, que no me juzguen, que no me miren mal, que no me tiren sal, déjenme sano, yo vivo a mi manera. Y aunque me toca duro, siempre lleno mi nevera. Todo bien, todo bien, squad. Planeta Terra y mi país. Le quartier c'est mon monde, papá. Para todo mundo. Bahía, Bahía. On a parqué les esclaves dans les Senzala. À base de mise à la, vendons les Casala. Flow d'Amazonie pour passer par là. Croyance africaine, terre indienne, Macumba. Colombré, Shango, l'histoire du combat. Capoeira régionale, fierté latina. Zombie, Lampion, Anastasia. A luta continua, yo quiero cultura. Quilombo de palmarès, quilombo de baia. J'ai le flow d'Ipiranga sur la batucada. Bra, bra. Ladron sans cause, mais voler là-bas est une nécessité. La cidade de Deus ne s'est toujours pas remise de la facture économique que vit son propre pays. C'est Pequeno, pour nous n'est pas un héros. Simplement un môme de plus qui est parti trop tôt. Comme Afro-Reggae, on est tous impliqués. C'est favela rising, hiver comme été. Tu connais, rejoins nos côtés. On est trop cotés, plutôt que simplement voter. Il faut chercher pour comprendre et ceux qui cherchent comprennent. Brasil. Une nouvelle partie du monde que j'aime. Hey yo Duke, hey yo. Le hip hop que j'aime. Hey yo. Fils d'immigré d'un père et d'une mère colombienne. J'aurais dû être sur scène un chanteur de salsa. Mais manque de vin, la vie que je mène. Me fit changer de voix, mais trop de haine. Troquer mes congas pour le mic. Faire du rap comme du sport, contact. Chaque claque, coup dur de la vie me font fuir. Et à mesure un pacte d'actes contre toute attaque. Come back. Retour en arrière, retour en enfer. Autant de galères que de déceptions amères. Personne ne me fera taire. Parler mes vitales comme respirer. Si demain un flic m'agresse, sois sûr qu'il sera dans mon texte. Je vexe par mes réflexes. La rue a fait de moi ce que je suis, gars. J'aurais pu vendre des shit, faire du blé. J'ai préféré lier des mots, des rimes. Monter de l'anonyme, de tout le foie. Me faire remarquer comme un grave dans les rails. Il est trop au boulot, trop d'idiots. Suivre le troupeau, robot dans le système de prolo. Faut sortir de là, y'en en soit bon, bon. Aujourd'hui je suis fat, vidéo contact. Port de la marque, le monde est devant toi. N'attends pas qu'il débarque. Le hip-hop, mon royaume, mon home, sweet home. Pour lui j'ai combattu, même avec des hématomes. Le hip-hop, mon royaume, mon home, sweet home. Pour lui j'ai combattu, même avec des hématomes. Le hip-hop, mon royaume, mon home, sweet home, sweet home. Meilleur squat en voix, ouais, j'en vois encore qui n'ont pas appris encore. Qui n'ont pas compris encore, qui se tapent en compète. Et qui n'ont pas saisi, j'en vois encore qui n'ont pas vu la mort. Qui pensent être immortels, tous ces petits cadeaux hardcore. Qui finissent une balle sous l'aile. Mais je ne joue pas avec la rue, qu'est-ce que tu fous dans la rue. Traîne pas dans la rue, si tu n'as rien à foutre dans la rue. Ceux qui vivent vraiment la rue ont hâte de quitter la rue. Va les voir, ils ne mentent plus, ils te diront que la rue elle tue. Nous, nous sommes les MC, le mic contrôle le MC. On s'appuie sur le MC, on trouve de l'aide chez le MC. Car le MC est un survivant, sa poésie nous instruit. Son flow nous sort de la routine et anime nos parties. Survivant des temps modernes, survivant des noires cavernes, survivant des couloirs ternes. J'ai toujours eu ma lanterne pour me guider, me protéger, me montrer les chemins à éviter. Car quand le Glock fait ding, tout le monde se couche bang. Même ton hardcore gang, gang, gang, gang, gang. Ne me parle pas de rap game, car moi dans ce rap game, ils ont du mal à me suivre, hein. Bang, bang, bang, bang. Parce que le hip-hop est notre royaume, notre home sweet home. Home sweet home. On combat même avec des hématomes. Mais c'est le hip-hop, mon royaume, mon home sweet home, sweet home, sweet home, sweet home. Yo, DJ Duke, on voit ça. Yeah, la formule secrète. Du style qui se reflète, cousin. Ah, classique, classique, classique. Depuis 90, papa, on en voit que ça. Freestyle historique. Yeah, oh, hey. Quoi? Laisse-moi kicker ça, Squad. Non. Laisse-moi kicker la formule secrète. Arrête. Écoute ça, comment je vais te la kicker. Tu connais ça par cœur, même? C'est meurtrier, souhait au cœur d'assassin. C'est encore lui et pour vous, il revient. Oui, c'est le mec que l'on appelle Walking Squad. Sa poésie fuse et ses rimes matraquent. Le métaphysicien de l'écriture est en action. De Paris 18ème, il t'envoie cette nouvelle potion. Donc, rentre dans ses rythmiques des plus poétiques. Ton corps s'enflamme sur chaque base de ce beat. Mets-toi à l'aise et sois prêt à bouger. L'impérial est là pour te faire danser. Le plus hardcore de toute la partie nord. Passez, repasse, puis s'évapore. Donc écoute-le, prête attention. Apporte cette leçon, bois cette potion. Tu ferais mieux de prendre ses paroles au sérieux. Car quand il prend la parole, ce n'est plus un jeu. Il rentre dans ton esprit, puis il ressort, puis il revient. Il rentre dans tes cellules, pour lui c'est enfantin. Pourquoi? Car j'ai la formule secrète. Du style qui se reflète. Et yo, tu peux pas t'arrêter là, frangin. Tu peux pas t'arrêter là. Faut que tu continues avec le deuxième couplet, moi. Moi je vais écouter le deuxième couplet tout de suite. Deuxième, papa. deuxième. Direct, clairement. Faut que ton esprit enregistre. Je reprends la parole et fais couler mon registre. Le beat va vite, je décapite les lignes pour cette raison. Ma poésie est interdite sortie de mon quartier. Car j'ai déjà tué par mes rimes les 50 connards du top. Stop. Dites-moi, je vis à quelle époque? Car quand j'allume la radio sur n'importe quelle fréquence, je n'en n'entends jamais quelque chose qui balance. Toujours des comebacks de vieilles stars fatiguées. Elles n'ont pas évolué ou même progressé. Donc suis ma voix mon garçon pour cette nouvelle dimension. Du haut de la capitale je donne une leçon gratuite. Y'a man, aujourd'hui je t'invite à prendre une claque magistrale. Ceci n'est qu'un aperçu de mon freestyle vocal. SQUAT se compose de 5 lettres pour une et une seule formule secrète. Rocking Squat attaque du style sur ce beat funky. Ma poésie t'instruit et je prends ton esprit. Puis une à une j'invite tes cellules. Ton esprit brûle, puis j'augmente le volume en insérant dedans ma toute dernière formule. Laquelle? La putain de formule secrète du style qui se reflète, papa. C'est la nocturne avec Au Contrôle, Rockin' Squat avec Roca et gros freestyle à l'instant. Gros freestyle à l'instant. Aïe. Est-ce que ce sera un petit peu ça aussi l'ambiance le 31 mai? En mieux. En mieux? En mieux parce que ça sera en live. Et là, vous verrez qui c'est qui a la main qui tremble ou pas, parce que souvent on entend des gens à la radio dire des gros punchlines, des grosses rimes. Et quand on les voit sur scène, c'est une rigolade. Donc là, ce sera une rigolade, mais dans un autre sens, le 31 mai. Non, mais je voulais savoir si vous allez vous échanger les instrus, est-ce que... Ah, il faut venir pour voir ça, il faut venir. Et dépêchez-vous parce que c'est complet. Oh, il reste des places ou pas? J'allais te demander. Mais non, on vient de te dire c'est complet. Merde. Donc c'est con. Non, mais il va sûrement avoir du piratage devant là, Yavad. Hein. Il faut venir. Il faut amener sa petite coupe de château d'eau, château rouge et trouver des places devant. Et négocier à l'entrée. Il y a d'autres dates de prévues pour vous en commun aussi? Bah, on est là, on fait des dates. Ah oui, là, Roca, il est venu avec nous sur une des dates qu'on a fait là. On va le 24, on joue à Nancy. Il sera avec nous aussi. Enfin voilà, tu vois. Mais on va monter des projets ensemble. Beaucoup plus costaud. Voilà, exactement. Chacun aura fini. Toi au cachet, tu bosses là sur différents solos. Je dis différents parce qu'il y aura la partie en langue espagnole aussi. Voilà, pour contenter mes deux publics, il y a un album qui s'apprête, qui s'appelle Bogota Paris. Et qui va préparer les gens à un autre album qui s'appelle El Phoenix, qui sortira pour 2015. Mais Bogota Paris, c'est pour octobre, si tout va bien. Là, on va lâcher un morceau qui s'appelle Batos Locos, qu'on va d'ailleurs, que Duke va mettre ici, pour que vous écoutiez un peu la saveur. Il y a beaucoup de trucs. Il faut être attentif à l'actualité. Vous pouvez me trouver sur mon Facebook, Roca El Original, mon Twitter, Roca El Original, mon Instagram, Roca El Original. Vous pouvez pas vous perdre. L-O-C-C-A-E-L Original. Tu vas toujours souvent en Colombie, Roca? Tu y es souvent? Moi je vis à Bogota. Ouais, je vis dans la ville où il n'y a pas de mytho. Donc quand j'arrive ici, je suis en mode travail. Je suis en studio ou en tournée ou en concert. Et voilà, là. Donc voilà, on est en train de travailler, on prépare une entrée un peu plus fracassante pour me reprendre la place vacante que j'ai laissée dans le ici quoi. Parce que tu vois, je viens d'ici, j'ai commencé ici et je pense que ce que je ramène aujourd'hui va faire beaucoup différent. Ouais non, il va amener quelque chose de bien dans l'industrie, je sais pas si le mot industrie c'est le terme qu'il faudrait, dans la musicalité disons. Donc on guettera ça pour octobre et 2015 pour l'album pour Squat. Voilà, guettez très très rapidement. Là il y a Batos Locos qui sort, Mythoman.fr et Babyface. Donc voilà, il y a trois titres qui sortent là. Et pour Squat résident aussi Amérique du Sud pour toi, Brésil. Ouais, aussi. Hein. Toujours, bien sûr. Et là je retourne dans pas longtemps là qu'on a fini les dates. Pour aller supporter ton équipe. Ouais, aussi pour supporter, surtout le peuple dans la rue qui on en ras le cul de toute la, tout l'argent dépensé dans la Coupe du Monde. Comparé à la misère qu'il y a ambiante au Brésil. Et moi, je suis plutôt du côté du peuple là-bas. Et je te promets que quand tu vas au Brésil en ce moment, tu verras que même si le Brésil, les Brésiliens, les Brésiliennes adorent le football, ils sont aussi très conscients de la corruption qu'il y a autour de cette Coupe du Monde. Et en ce moment, c'est plus les cocktails Molotov contre les forces de l'ordre. Justement, t'as entendu Platini là-dessus qui disait que ce serait bien de faire une espèce de pas cesser le feu, mais de pendant la Coupe du Monde. Ça serait bien qu'avec la thune, ils fassent plutôt un quartier nouveau pour les gens qu'ils ont délogés, oui. Ouais, surtout Platini et Pelé sont des gens qu'on n'écoute plus depuis longtemps. Donc non, j'ai pas écouté ce qu'a dit Platini. D'accord. Parce qu'on a rien à foutre de ce qu'il raconte. Bah il demandait grosso modo que ça se calme un petit peu au moins pendant la Coupe du Monde. Ouais mais super. D'accord, il est gentil quoi. Voilà. C'est tout ce qu'il a à nous dire. Voilà, c'est ça. Il demandait au peuple d'être tranquille pendant la Coupe du Monde. D'accord. Faire attention qu'on fasse pas sauter la FIFA surtout quand ils arrivent. Mais bon, sinon à part ça, oui, on est toujours au Brésil. Brésil, toujours la vibe brésilienne. Ouais, super. Ça se passe très bien. Les gens sont. Puis en plus, je travaille de plus en plus là-bas avec beaucoup de scènes différentes. Et ça commence à devenir très intéressant d'habiter là-bas pour la musique aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de projets qui vont arriver. Moi aussi, je suis sur un prochain album d'Assassin qui arrivera pour fin de l'année ou début d'année 2015. Qui va être un très très gros projet. Et je bosse aussi des projets solo. Enfin voilà quoi. J'ai pas de nom d'album pour l'instant à balancer comme ça, mais en tout cas mais ça arrive, faut guetter. Bon, on repart pour une nouvelle session. Ouais, on va jouer en fin de compte deux morceaux qui sont l'Underground S'exprime 1 et l'Underground S'exprime 7. C'est le premier et le dernier en date. Ben, le premier, il y avait la Squadra qui était dessus. Donc voilà, il y a Roca qui est avec nous. Dédicace à Daddy Lordsy. Ça, c'est des concepts. Que je fais depuis 1995 à réunir les gens d'horizons différentes et tout ça. Et surtout, le soir de la Cigale du 31 mai, on va réunir un gros Underground S'exprime avec beaucoup de gens qui sont retrouvés du chapitre 1 ou chapitre 7. Donc il y aura énormément d'invités et ça va être une grande fête de la rime, supersonique. Et donc voilà, soyez les gens qui seront présents vont voir un truc qu'ils n'ont jamais vu sur scène aussi à ce niveau-là. C'est le 31 mai et là, c'est maintenant sur Skyrock dans la nocturne. Duo, quand tu veux. Yeah! Brrr! Fais ta prière. faiblir lorsque tu vois venir ma partie. Ignorant du hip-hop, tu critiques mon concept. Tu deviens haineux quand je remporte ce round imperfect. Punk, ta stupidité ma somme. N'oublie jamais, t'es étrange dur pour un seul homme. La veuve noire de la mafia termine sur cette rime. Un 9-9-5 clan de bande s'exprime. Et qui gaga. Et qui gaga. Boum, faille dans la tête des crânes. Ça va d'adouane, on en tue. Tranquille, gars. Et puis va d'adouane, on en tue. Écoute saga, ma dédica, ma saga te rend dingue. La clica, voici la squadra. T'es pas fou, j'apporte du bon son comme un robinet qui coûte. Mon débit t'en fout, tu shoot la variété en écoute. J'ajoute pour ôter le doute au scout. Placé sur notre route, d'aller se faire fou. Voilà ce que c'est là de blague. Au summum, je creuse un trou que je compte laisser à personne. Car personne te tend le microphone quand tu caches. Je perfectionne mes lagomes, tandis que toi tu réveillonnes. Ne dors que d'un œil ton cercueil rocate, elle confectionne. Daddy, daddy, si, si, si, ou MC. Reste au top, sinon je toxie par mon autopsie. Si, el negro y el latino loco. Les nouveaux style boco. T'es dans la cabeza y en el coco. L'underground s'exprime, je confirme mon chasseur de primes. Les victimes que je dépouille le péché jusqu'au centime. Sortant du gouffre, en tout détime et rime éclabousse. Et chaque secousse du barbe rousse te fout la frousse undercover. L'euro d'or se fait son beurre, tournant toujours avec la même essence dans son moute. J'ai trouvé la formule secrète dans les rues du 18ème. À la bouche, touche mon nom. Tu connais la clica, on est fat, on débat, fat, fat, comment comment j'éclate, DJ Diogo contrôle ici papa. Toute la ceinture de feu rocking squat. Assassin. Le s'écarte, le DGAM, elle revient encore plus laid back, back. L'effect du B-O-B-I-G-N-Y-9-3. Oh oh oh oh. Brûler m'a surgir avec fracas de tous les Mario. Car c'est entraîné dans la rue que l'on veut, que l'on tingue, on tingue, on tingue. C'est sur le banc des cités qu'ils voudraient voir le peur à s'exprimer. Mais non, The Grand s'unit, s'unit et vomit un maxi. Marqué du saut cabalistique, politique, kick, c'est l'idée. Car quand une feuille devient aussi tranchante qu'une lame, et qu'à la moindre étincelle, l'encre son venin s'enflamme, tu les tiens, l'arme pour le vélan de Brown. Gratte la lunette, embrasse tes têtes, tu tombes des têtes, et qu'un autre road boy s'installe comme again pour le freestyle. On connaît pas. J'arrive flow, pas besoin de photos exposées ou de spotter les fusées. Le fait d'être parqué comme la peste le fut. Pousse plus d'un à parler par le pied de cette putain d'issue. Autant les jeunes que les vieux, depuis peu prône ce que nos pères appellent des parties de feu. Une France pour tous, hein, super, transpère aussi. Il a vu Arthur dans un film de John Leslie, le filou. C'est fou comme les porteurs de poux et de pure sortent la famille tout à coup. Chacun image son discours de putain. Pour chaque c'est les pommes, hein. Demain les pépins, soit des pavés. Jetés par une partie infime de ceux pour qui t'es arrêté qu'une partie de jeu qui enflamme. C'est fait, fait. À l'approche d'un poulet, le haut de groupe de devient touché. Que tu te décides à faire passer tes idées. Des obstacles et handicaps jalonnent la voie que tu aurais voulu emprunter. Permettez-moi d'opter pour un raisonnement des plus imagés. Exemple, une extraction de foi. Putain, quel embarras. Faudrait une recette qui fasse des nerfs. Comme sucer une grosse pastille au miel. Me revoilà sur le playground. On annule pas comme ça un titulaire de l'équipe du underground. Et je te décoche mes flèches lyriques qui calent tandis que survient un problème. Quelle est la question, verbe de balle. Que quel que soit les défis, des faits que t'es le dead de bob bob bini. Déchire le bob beat. Easy, le underground s'exprime. Yeah, yeah, retrouver l'underground s'exprime en live et en direct le 31 mai. Braca, braca, à la cigale, assassin production avec R.O.C.C.A. en pleine action. À l'inverse de la prose que l'on nous propose accompagnée d'une rose, je ne garderai que les piquants, les pâtes. Libérer Honda Connexion! Violent et le vent qui souffle dans ma face. J'ai essayé longtemps de pouvoir légaliser ma liasse. Mais j'ai vu que les infos sont pires que les 9% sans caillasse dans le métro. Sans les gros, sans les pros, le underground. Underground s'exprime 1995-2014. Foudre de l'écriture et de phalange, chirpe en l'air, je veux pas flinguer un ange. Je suis de cette nouvelle race, vert de rage, crache et vert trash. Qui jouera perdra, qui mourra saura rendre grâce. Pas du genre à faire marrer les keufs pour parler au peuple, ça kick dans les bars et les pubs. Millionnaire, c'est chanteau, n'est pas pâté. On pousse le truc jusqu'à la fatéo. L'actif de Voilà Dark, éducation sévère. Mage assassin à 16 heures, terrasse le verbe. Tout en Black Panther, sans flamme et l'anime. Ma plume a pris du poids sur la terre à Césaire. J'ai le sourire à mon état, je suis le seul player. Enterre mes putains de soucis au pied d'un sol pleureur. Mec des Caraïbes, intouchable, autant viser le soleil avec du plomb et une carabine. Mille et une façons de torturer la prod. Suce mon corps si avec nous tu es en désaccord. T'as pas idée du délire de ce quoi m'a validé. Ça me sale depuis que je sais lire. Si j'attrape l'astre par les hanches, c'est pour une fracture du bassin. Je te passe le bon jeu de l'assassin, je t'envoie faire un tour chez les anges. La justice nique son père, le dernier juge que j'ai vu. Mon dossier, il l'avait même pas lu. J'ai pas attendu la connasse de Pôle emploi. Non, ça va, j'aurais pas de jaguar intérieur, cuir vol en bois. C'est la nuit qu'on se déploie, ouais, c'est la nuit qu'on fait nos bails. Sous l'effet de la colombienne, ça s'allume comme un Columbine. On dort, on se lève tard, on se gratte les couilles. À la semaine que ça vaille, sur le terrain ça fait des passes, ça crame là, c'est pour Rastaman. J'ai pas attendu les caries pour vouloir des bagages à damier. On joue avec nos vies, mais y'a qu'un seul voyage à gagner. Sur la route de l'enfer, comme à CDC, on a pété le péage. Hein. Tellement dur à supporter, je pourrais plus jamais rapper à jeun. Les jeunes envoient des prunes, mais c'est pas ce tâche. Hein. Et l'ancien parle-moi bien, j'ai pas ton âge. Hein. A mental fortress is essential to absorb this. Every time I drop a sentence, everybody stop and listen. Doing Sens-tu, j'ai comme une étrange sensation. Le bruit de la détente, de la tentation. Il faut se battre, on se relève dès qu'on tombe. J'ai vu un fantôme, en fait je crois que c'était mon ombre. Étrangement ils prennent mon acte pour un délit. Un étranglement quand sur le mic ma main atterrit. Paraît que l'argent c'est quand les jeunes viennent vieux. Mon âme est brûlante, sous mon stylo les feuilles prennent feu. Mon texte renaît de ses cendres comme un phénix sous mes tennis. Voilà le rap paraîtrait que je rappe avec mon pénis. J'suis tellement carré que je tourne en rond comme dans Tetris. M'esquive avant que ma raison prenne connaissance de ma bêtise. Derrière mon cynisme, tout mon optimisme a pris l'eau. Dans ma tête le vide s'immisce comme derrière la porte d'un frigo. J'rime mon poids en quelques kilos. Ma gueule j'ai plus d'un tour dans ma schlappe. Mais j'en rappe à quatre pattes, un micro dans la chape. J'ai grandi avec le rap et du hip-hop, j'suis devenu l'over. Les faces B à la Mob Deep et les compiles façon dit cover. Du haut de la capitale, note mon nom sur ta liste. Je ne suis pas un de ces rappeurs à la mentale d'un capitaliste. Ils parlent tous de flingues, de sexe et de fric. Mais un vrai MC c'est rare comme de l'eau potable en Afrique. J'préfère être sourd que d'écouter ces gars à colère. Ne te prends pas pour un poids lourd avec tes tatouages de camionneur. À Besmar le matin on se demande comment s'habiller. À nos poignets à s'habiller, les potes on peut pas oublier. On a galéré dans la street pendant des heures. Poser nos gueutas partout comme le faisaient boxeurs. On vit qu'une fois, alors j'emmerde les censeurs. Quand j'étais petit j'écrivais nique sa mère dans les ascenseurs. Ça fait longtemps, tu sais qu'on leur fait si peur. Pour qu'on arrête d'écrire sur les murs, ils ont créé Twitter. Les jours défilent mais je n'attends pas que les heures passent. Ça vaut mille temps mais je suis pas là pour ramasser leurs crasses. Les mots, des gerbes de fleurs pour ceux qui croient qu'on ne meurt pas. Les condamnés à tort vont pouvoir déguster leurs pas. Ça nous tourne autour comme des corbeaux au-dessus de leur proie. Toujours en quête de leur égard pendant que ce côté obscur me froid. Si je vous déplais, bah c'est facile, m'écoutez pas. Un coup d'éclair, j'écris ce coup de avec la foudre vous déboire. C'est la guerre du pouvoir et les martyrs s'entretuent. Les supports s'écroulent vu que les pièces maîtresses au centre chute. On ne pourra jamais m'imposer tout ça sans que je le refuse. Ne confonds pas les artistes et ceux qui se vendent le plus. À trop songer à leur chiffre d'affaires, ils en dénigrent l'art. Face à leur champ de vision étroit, pas étonnant que j'ai pris le large. Chez toi, sache que j'étais déjà dans quand tu méprisais le rap. Je reste brillant sans avoir besoin de viser les étoiles. Everybody stop and listen. Moi j'écoute pas vos merdes à la mode. Depuis que je rappe tu crèches à la mort. Alors nul le facteur qui fait que mon timbre de voix passe comme une lettre à la poste. Sortie de la cave l'un d'ergoun s'exprime. Des spéléments de l'autre écoute. J'ai pas du rap pour faire de la vague. De la vague toujours d'argile magique. Mes tripes à la voix des bravons. celle qui sort des plaques et des goûts, qui casse des bouches et crois pas que c'est cool. C'est du sang qui s'échappe comme un rage, c'est cool. Le constat me dégoûte, toute ma fortune tient dans une petite tirelire. Chasseur où je te plie lit, j'ai plus une vessie mais une distillerie. Si on te refaire surface pour une épave, quand le bonheur te plonge, je peux pas tomber plus bas. Je resterai à terre comme un creuseur de tombe. Personne nous écoute, je nique les politiciens. Avec la haine des bafons, c'est la vodka kamikaze. Prêt à serrer la ceinture pour faire de la bombe. L'alarme et des ondes, fais gaffe, la plupart sont coréens. Je connais tellement ce monde par cœur, il faut que je le quitte comme Eva Longoria. Marque ces beaux parleurs, tu veux que je dise quoi? À part que je crise de fou, je suis devenu un sonnaque. Dormir pendant vos stars se font huer malgré leurs millions de followers. J'ai toujours mes deux pieds dans le vrai près de ceux qui rappent avec le cœur. On ne bluffe pas un public entier avec de l'air dans son moteur. Y'a pas un soi qui peut manger le micro d'un putain kicker. Tu me reconnais pas, mais c'est normal, ça fait 20 ans, j'ai vu ton game. La branlette collective est idéale pour ceux qui nous gangrènent. Entraîne-toi, sucer des bites, vous êtes nombreux dans la compète. J'n'oublie pas qu'à vraie banane, c'est Taubira qui veut nous la mettre. Tu t'en mets partout comme Yann Barthès de l'eau ou Belkacem. T'es insignifiant comme un Hollande qui tient les rênes. Vos stars sont pas les miennes, on me bluffe pas à coup du lot. Je ne donne pas un euro à Raoni avant de savoir où coule son flow. Trop de moutons dans la place et tout le monde se donne bonne conscience. Très peu vérifie, vérifie si c'est le diable qui mène la danse. Facebook c'est pire encore, tout le monde croit savoir sans rien apprendre. Deux trois connards qui applaudissent sur un mur qu'un clic réduit en sang. Underground. Ils font sauter les tables comme des verrous. Toutes les folies sont ouvertes. FM, bande de rapaces. Mais le vice ira vers nous. Ils font la pub des familles recomposées. On est tous entre ces rapaces. Et quand j'attaque le zedou avec un wesh wesh wesh. Swag, je vais m'arriver notre pension. Je casse des barres. J'ai fait Perrac qui bras la caisse des balles. Pour parler d'esclavage. Les battants, tu casses des barres. Soyons serviteurs du créateur. Pas esclaves, c'est créateur. C'est pour moi qui le paye. Soyons la pierre dans les rouages. Du mécanisme, la laïcité. Les mamans religion ne se payons. Censurez-nous si ça vous parle. T'es pas hip-hop en ayant fait tourner dans les rues d'art. Pas d'umbrella. Baptiste pas avec le Rain Man. Le collectif qui va leur faire mal. Les signes de soi avec que les carreaux. On aimerait tous revoir la Palestine de 40. Mais Artani, trop taré. Satanique, leur l'espoir. Dans les pauvres, est-ce caillou dans ta chose. Ça s'affiche. Sache sa fils, presque à visage découvert, comme Sacha Fierce. Et ils parlent tous de tasse, de test, d'art et de sexe, oui. Quoi? Il est grand temps pour nous que la noix de voix s'exprime. C'est la nocturne avec Squat, avec Roca au contrôle, avec DJ Duke au platine. Et l'Underground, volume 1, volume 2, l'Underground s'exprime, c'est ce qu'on écoutait à l'instant. Volume 1, volume 7. Volume 7, enfin, chapitre 1, chapitre 7. Chapitre 1, chapitre 7. C'est le dernier en date, le dernier, celui qu'on a entendu en 2014, et l'autre c'était en 95, et entre temps il y en a eu 7. Bon, il y en aura d'autres. Pour, j'espère bien. Mm-hmm. C'est surtout pour donner un clin d'œil sur ce qui se passera aussi sur scène. On va recréer un grand Underground s'exprime, du 1 au 7. Avec les différents participants qu'il y avait, pas tous, mais en tout cas ceux qui sont présents et toujours actualité. Le 31 mai prochain, c'est à la Cigale pour voir sur scène Squat avec les morceaux d'Assassin et tes morceaux à toi aussi. Hein. Ouais, non, pas de moi. Moi, aucun morceau solo vu qu'on s'arrête à 2000 et que mon premier album solo, enfin même EP, sort en 2004. Donc de toute façon, c'est que du Assassin. Que du Assassin. Et du Roca. Yeah. Avec des sons de la Clica aussi peut-être. Là, tu vas voir, on a fait un. Tu sais, c'est les gens qui te donnent non, c'est pas les gens, c'est le temps qui fait que les morceaux deviennent des classiques et les gens après énumèrent tes sons comme des classiques. Donc, je vais faire ce que les gens veulent, beaucoup de classiques. Très bien, donc. Car il en a beaucoup. Il en a beaucoup. On suivra ça donc le 31 mai prochain à la Cigale. La nocturne, on repart sur quoi, messieurs? On va partir sur Sous un grand ciel gris. Et le de mon premier album solo en 97, double disque d'or. Yeah, bon, man. Ce morceau-là n'est bravo, pas. Bravo! Et non, mais il faut quand même préciser qu'à l'époque, le double disque d'or, c'était pas 50 000 albums vendus. C'était 200 000 albums vendus. Voilà, Lyric, ça rigole pas. Parce que le disque d'or maintenant est à 50 000 et avant c'était 100 000. Ça rigole pas. Voilà, après, on jouera Au fond de mon cœur, issu de Touche d'espoir, qui est à 350 000 albums vendus. Pareil, à l'époque où c'était. Sans promo, sans radio, sans rien du tout. Bon, ce morceau-là, il est sous un grand ciel gris, c'est avec Raphaël, que je dédicace à tous les gars de Suresnes, à tous les gars les anciens amis, les anciens camarades que j'ai eu de la Clica, donc ça vient du fond du cœur. Sous un grand ciel gris, malheureusement, un thème qui est toujours d'actualité, même s'il a été rappé en 97, il est toujours d'actualité. Et après, Au fond de mon cœur, je dédicace à DJ Mehdi, tu vois, Repose en paix, c'est lui qui est à la prod. Qui est à la prod, ouais, de ce morceau. On a perdu un grand, grand monsieur du hip-hop français. West in peace. Et de la musique, même en général, parce de la que, musique, voilà, quoi. Un mec ouvert sur tellement de choses. Mais hip-hop français veut dire musique. Rap français, ça veut dire autre chose. Mais hip-hop français veut dire musique. Allez, c'est parti. Yeah. Duke. un grand ciel gris. 97 papa, pourtant prennent de la graine des Colombia, Africa. DJ Dioco contrôle, qu'est-ce qui se passe ce soir, gars? P-A-R-I-S, la ceinture de feu. Raphaël kick, ça coûte ça, papa. La clica entre deux mondes. Yeah, c'est ça. Juste un jour de plus. Rien à faire, à la maison, galère de plus. Rien à mater à la télé. Un jour de plus à passer. Short chez moi, sombrer le décor dehors. Recouvert sous un grand ciel. Yeah, j'avance. Bise, mate autour de moi, en bas des bâtiments, on continue le bis tourné, frère basse, l'argent, la même rengaine, la même dégaine, des flics qui te foutent la haine, bref, je poursuis ma route dans les routes sur M-Tra, mon chemin, ma route, je continue à petit poids, avec une fin du quartier, sous le porche, de là, merde, le temps avant, je bouge, je viens trop me direct sur ligne 13, j'ai rendez-vous avec Chief, devant les fruits de merguez, la pression, des JPR pour des contrôles de papier, putain, c'est pas eux, maintenant les forces de l'ordre sont armées, une fois débarrassé de toutes ces conneries, je me dirige vers la sortie, maintenant au pire dans les. C'est juste un jour de plus incarcéré dans un système difficile à suivre, où seuls les hommes forts sont capables de survivre libre. Juste un jour de plus à passer, à côtoyer la dure réalité, la tentation, les pressions, fuir l'ennui, mes ennemis. En premier, combat d'ignorance, toute sorte d'ignorance. Je suis donc, je pense, rien ne peut brouiller mon existence. J'essaie de m'instruire le plus possible, d'assurer mon avenir, combler mon brouillard, nuire au système par mon savoir combattre. En deuxième, la paresse, la galère, l'indolence. Il faut tailler ton monde à moi qui te contienne d'avance. Dis, qu'est-ce que tu fais là, si tu fais du gâteau. Le monde ne partira jamais d'ailleurs. Ici c'est la merde, ghetto. Allez arrête gars, je reviens de Bogota. Paris ne peut pas être pire que ça. Ne m'avance pas le pipo, y'a ce qu'il faut ici pour s'en sortir. De la maille à gogo, n'attends pas comme un compte gagné au loto. C'est juste un jour de plus sous un grand ciel. Et un jour de plus pour trouver des astuces pour assurer mon avenir. Raphaël dédicace à toutes les cités. Tous les quartiers en prison. Je se lève déjà sous un grand ciel gris. Sur cette mélodie, je n'ai plus fermé l'œil de la nuit. J'ouvre les yeux pâles de ce que je vois, ce que je vis. Quand je rage, je représente ce que l'on oublie. Le jour se lève déjà sous un grand ciel gris. Sur cette mélodie, je n'ai plus fermé l'œil de Bogota, la nuit. Bogota, Paris, prochain album R.O.C.C.A. est l'original. Les rues sont balayées d'un vent glacial qui blesse. Coupe comme une lame, les mains des derniers jeunes qui squattent le macadam. Reste à fumer des joints, certains cherchent un lendemain à sortir enfin d'une exclusion qui les sert juste pour juste retour à en perdre la tête. Cache le soleil aux garçons du béton. Sache que sans horizon, je ne retrouve plus l'ambition. Le cash manque, plus personne ne bague de banque. Lève ton encre, il est temps de sortir de ta planque. Vivre au jour le jour sans une thune en poche. Passer toute une journée à taxer les proches. Histoire de pas devenir une cloche. Un croche pas suffit pour le dérapage d'une vie foutue en l'air. La galère est un gouffre vers l'enfer. Je vois des mauvaises graines fleurir à fleurir, freiner à freine. Des vers qui pleurent la haine, qui coulent, des yeux, des poings qui se ferment. Des familles en peine, des putains de juges, des lourdes peines. Toujours les mêmes qui gagnent, toujours les mêmes qui perdent. La France organise un complot contre les étrangers. Tout est fait pour que nous basculions, tout est prémédité. De l'école de l'exclusion aux premières orientations bidon. Des faux boulots au conseil des négriers. En manque de main d'œuvre pour la nation. Pose pas de questions, c'est du mécanisme. La situation peu à peu passe à son paroxysme. Plus les heures passent, plus les jours avancent en masse. On laisse que l'esprit vienne en place. En face à l'étranger sans grâce. Je reste propre, clean, dans mon billet, je suis légal. Face à tout cela, je prends vos thunes. Après je ferai ma malle de vivre. Qui parle d'intégration d'immigrés. Si tu es si français que ça, pourquoi te demandes tes papiers à longueur de journée. Je passe mon temps à penser rap pour oublier le son de son dos. Dis de culture, celle de mes parents, celle du double H. Sache cette dernière fait que beaucoup de jeunes s'attachent entre eux. Bien que les musiques, une même histoire qui tourne au même BPM. Respect à tous ceux qui l'aiment. J'ai l'âme de la rue, le vécu qui est en moi. La seule défense que j'ai trouvée parmi les joies. Dans ce jour se lève déjà sous un grand ciel gris. Sur cette mélodie, je n'ai plus fermé l'œil de la nuit. J'ouvre les yeux, parle de ce que je vois, ce que je vis. Quand je rappe, je représente ce que l'on oublie. Le jour se lève déjà sous un grand ciel gris. Sur cette mélodie, je n'ai plus fermé l'œil de la nuit. J'ouvre les yeux, parle de ce que je vois, ce que je vis. Quand je rappe, je représente ce que l'on oublie. Yeah, yeah. Ah, ah, ah. Back to the old school. For the new school. Là n'est pas la question. Là n'est pas la question. For old school, new school. Là n'est pas la question. Mais qui se fait du pognon en rappant de sales chansons. Au fond de mon cœur, je me rends compte que je suis tout seul. Pour rapper, j'ai beau écrire, je me rends compte que je suis tout seul. Mais tout seul dans mon angle, mon rayonnement est pire que celui. Un vrai homme, l'œil au rail, jamais nous être réunis. Qu'est-ce que tu dis? Ma douleur m'intrigue. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu me fatigues. Et

Ouais, on va jouer deux morceaux qui sont sortis là récemment. Mm-hmm. Bah, Vatos Locos, comme il parlait Roca tout à l'heure. Il n'est pas encore sorti. Vatos Locos, là, c'est en exclusivité. Ah, il n'est même pas sorti. Il n'est pas sorti, donc exclu celui-ci. C'est quoi le projet qui arrive là au mois ouais, de ouais, ça, c'est le premier single qui arrive comme ça pour la street. J'en ai envoyé trois, je t'ai dit. Vatos Locos, qui est aussi dans sa version espagnole. Et, mythoman.fr, Babyface, et ça annonce mon album qui s'appelle Bogota Paris pour la rentrée. Donc, boum. À la rentrée, et pour Squat, l'actu. Bah, on va jouer l'actu, c'est que je suis toujours en vie et tout va bien, j'ai la santé, c'est le principal. Et on va jouer Intestable, qui est un morceau qui a été lancé comme ça dans l'univers. Sans aucun projet derrière. Mais c'est un morceau d'actualité qui est bien, bien patate, avec un son d'aujourd'hui, un flow de fou. Et voilà, on va jouer ces deux morceaux-là, là, histoire de finir la nocturne en beauté. Allez, c'est parti. Qui fait ça? Ça c'est Vatos Locos. Aïe aïe aïe. En exclusivité. Aïe aïe aïe. Paris, la ceinture. Aïe aïe aïe. La France papa. Aïe aïe aïe. Album Bogota Paris. Hardcore c'est mon temps en vrille. Autour de nous ça dit. Je détruite le loco. Héro, coco, popo. J'te fais topo. Je détruite le loco. Shooté à la tennis qui nous fait kiffer. C'est que des trucs de loco. Grosse honteuse, gros cylindre et les jeunes veulent des gueules. Que des trucs de loco. J'voulais partir sur une bonne vibe, mais ce son m'a changé la donne. Aïe, j'vais devoir refaire du sale. Pour mes fans, j'suis toujours âge, j'm'adapte sur n'importe quel style. Boom, bap, trap, on veut l'instrumental. Rap de vandale, quand j'ai la dalle, tout le monde y passe en détail. Moi j'ai gardé les crocs d'un jeune squal. Retour à la capitale, c'est du fond de ses entrailles que j'déballe des rafales de balles. Coup fort et ça va faire mal. Juste le premier kata. AK, AK, 47, crépé sur le bœuf. Bouge de la tugène. Pour le sang dans mes veines. Nous c'est la haine qui va nous détruire. Pour que l'amour vienne nous reconstruire. Trop laid, trop vilain, trop niais, trop plein, trop wesh, te plaît, ton feu de catin. Trop malin, comme putain. Tu l'as tout pompé au ricain, réduit le vent comme si c'était le tien. C'est la mode de faire ça caille. Parler de pédé quand tu as fait drive-by. Quand tout le monde sait que le plus illégal des trucs que tu fais dans la vie c'est de voler le wifi. Hardcore c'est mon plan en vrille. Autour de nous ça dit. Je détruite le gros héros. Exclure au coeur 2014 papa. Jouer à la télé ce qui nous fait kiffer. C'est que des trucs de logo. Grosse honteuse, gros cylindre et les jeunes veulent des gueules. Que des trucs de logo. M'inviter fallait pas, j'ai envie des thémas. Tout le monde parle que de ça, j't'ai fumé en deux trois. Mais qu'est-ce qu'on se la raconte. Des rebats trop d'égo quand on fait du beurre. Ça bonde à la tête, à la queue. Là ça te bousille comme fumée du queue. J'te fais bouger les chines. Moi j'aime comme une machine. Productif comme en Chine. Chine, Chine, elle a dit ma gueule. Pourquoi tu chines. Ne sous-estime jamais ton adversaire. Tu n'as pas tu mais il revient comme le cancer. Plus vénère, plus déterre. Comme un phénix droit de l'enfer. Ta flair, je suis là, qu'est-ce qu'il va faire. Un conseil si tu veux des lyriques conscients de bonhomme. À ta première play, achète l'album. Là je m'amuse, je fusionne, je décolle. Je m'envole, je balance du freestyle pour garder la forme. Avec moi, ça qui au microphone. Respect à l'ancienne école. Tous les OG, les vrais, les gars qui collent. On reprend du service, tout le monde s'affole. Hardcore, c'est mon temps en vrille. Autour de nous, ça deal. Je détruite le loco. Héro, coco, popo. J'te fais topo. Je yeah le loco. MC éternel. Je détruite le loco. Gros cylindre et les jeunes. Son universel. Je détruite le loco. Brillez comme des Vatos Locos. Vatos, Vatos Locos. Brillez comme des Vatos Locos. Ça sort prochainement ici, Vatos Locos et les OCCA maintenant. Et c'est la place à Rocking Squat Assassin avec une grosse production qui arrive 2014, papa. Intestable, irremplaçable, incassable, jamais passable. Le MC le plus coté, toujours mis de côté, mais jamais abattu. Jamais abattu. Sortez de vos Facebook, sortez de vos Facebook. Descendez dans la rue, descendez dans la rue. Vous verrez que rien n'est virtuel. T'es un crack sur PC, mais rien dans nos ruelles. derrière, la nuit est devant. T'as jeté les gants avant de les mettre. T'es trop mystère pour s'emballer sec. Trop de roulements dans la tête de ces pions. Que des moutons qui copient notre fond. Mais en fond ne sont beaux qu'à sucer des chatons, qu'à fumer des pilons, qu'à écarter leurs fions. Ça fait 30 piges qu'on les voit arriver. Ça fait 30 piges qu'on les voit se rouiller. Toujours cachés sur les autres qui ont plus de succès. Dire qu'ils ont trop sucé. Ils ne sont pas rétro-pistonnés. Qu'on les connaît, qu'il y a des dossiers. Il y a 20 piges, des étoiles, des croisés. Mais ferme ta gueule, toi tu fais rien. T'as rien brûlé de tes deux mains. Le hip hop ne te doit rien. T'es qu'un boulet, qu'un pur crétin. Trop de roulements dans la tête de ces cons. À des années-lumière de mon flot de béton, de mes bons à l'avant, de mes textes appuyant, de mes pas de géant, de mes mots clairvoyants. Pas de cesse, pas de cesse. C'est les deux pieds dans la presse. Que je reviens, je les baisse. La mystique est une merguez. Que les gros culs sont des chaises. Payés par les thunes du capital. Leur capitaine capitule. Dès qu'on parle de leur pilule, n'attends pas mes hits radio. Ces fils de timbre me connaissent bien. Interdit passer mon flot. Il est bien trop assassin. Ils ont essayé de me soudoyer comme ils l'ont fait avec tout le monde. Quand la plupart a plongé, ma voix a résisté et gronde. Mon crew connaît le prix de la lutte. La réalité n'est pas rose. Pendant que les salopes te flûtent, on continue où personne n'ose. Les thématiques t'en auras, tu verras, tu pourras faire des recherches en chacun de mes textes. Pendant 10 piges, pendant 20 piges, ça motivera tes réflexes et ta réflexion comme le missile volontaire. Notre prochain putain d'album, la quintessence d'une nouvelle ère. Le MC le plus coté, toujours mis de côté, mais jamais abattu. Jamais abattu. Sortez de vos Facebook, sortez de vos Facebook. Descendez dans la rue, descendez dans la rue. Vous verrez que rien n'est virtuel. T'es un crack sur PC, mais rien dans nos ruelles. Rien dans nos ruelles. Rien dans nos ruelles. Rien dans nos ruelles. Rien dans nos ruelles. Avant on cherchait des labels, maintenant on vend tout en direct. Plus de douane, plus de taxes, tout droit dans ton intellect. Le game signe de la pop, avec des beats variettes. Moi j'ai de la bombe en stock, dans un esprit d'architecte. Enterré trop tôt, je reviens brutaliser votre France. Mes albums vont faire tomber votre rap plein de décadence. On n'a pas les mêmes références, ni les mêmes perspectives. Votre ignorance à outrance, vos rimes inoffensives plaisent à ceux qui contrôlent, plus qu'ils sont de la même race. Les premiers à bouger loin, quand ça pètera sur place. Ton game, je m'en bats les couilles. Pourtant je vous connais tous, j'ai besoin de gens hard de ouf. Pourtant je vous repousse tous. On n'est pas fait du même bois, moi je vois aucun exemple. Dans les temps de la dépave, des marionnettes en manque. Bande de guédrons infidèles pour la majorité. Qui veulent donner des leçons sur comment rester vrai, vrai. Je suis le métaphysicien, l'écrivain, assassin, magicien. L'homme aux mille styles, l'homme aux cent mille rimes. Celui qui supprime ton MC préféré sans même avoir entamé mon premier couplet. Donc imagine le raz-de-marée quand mon album va débarquer. Et pas que ceux qui contrôlent n'ont pas été élus. Mais bon ça c'est une autre histoire. Donc pas bien qu'à toi, allez, salut. Le MC le plus coté, toujours mis de côté. Et jamais abattu, jamais abattu. Sortez de vos Facebook, sortez de vos Facebook. Descendez dans la rue, descendez dans la rue. Vous verrez que rien n'est virtuel. Elle est un crack sur PC. C'est rien dans nos rues, elle, elle. Rien dans nos rues, elle, elle. Rien dans nos rues, elle, elle. Planète Tierra. La Nocturne avec Roca, avec Monsieur Squat qui était là aussi et qu'on écoutait avec à l'instant. Tiens, ça m'a donné une idée en fait, en écoutant le morceau. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. On l'a dit déjà plusieurs fois, mais, ouais, mais plus dans la rue en tout cas. On est sur les réseaux sociaux, mais on est aussi dans la rue. Aussi. Surtout même. Surtout. Mais ouais, tu sais, nous on vient d'une école où. À la base, déjà où il n'y avait pas de réseaux sociaux, et en plus de ça, où à la base, pour exercer notre art, il fallait être sur le terrain. Voilà. Que ça soit autant dans le graffiti, que dans la danse, que dans le rap, que dans le chant, que dans la musique, tu vois. Et c'est pour ça que ça a donné des artistes qui sont, entre guillemets, des vrais artistes avec un A majuscule. Parce que. Qui durent dans le temps. On a dû travailler les choses pour les faire. On devait mériter de rentrer en studio. Tu vois, c'était une époque où tu rentrais. Déjà, tu n'avais pas des home studios comme ça chez toi facilement. Pour faire des trucs de qualité, ça veut pas dire que c'est moins bien ou mieux, mais en tout cas c'était une autre période. Donc ça veut dire que ça nous a fait travailler 10 fois plus pour pouvoir avoir la chance d'ouvrir une porte dans un studio. Non mais il y a des gars qui font des trucs très bien aujourd'hui, attention. Et bien sûr. Ce qui se passe c'est que aujourd'hui c'est un peu la foire un peu à tout le monde justement, parce que si t'as la puissance financière derrière, on peut coller à un gars qui a vraiment aucun talent mais qui a une puissance de frappe financière forte derrière, donc ça marche. Tu sais très bien ce que je veux dire. Tu veux par ça, tu vois, donc on est en plein dans le mille du sujet. Donc ça fait du bien si les gens veulent écouter autre chose, une alternative un peu à cette soupe, et ben ils peuvent écouter Du Rocking Squad, du Roca et plein d'autres artistes aussi qui sont là. Et puis venez nous retrouver le 31 à la Cigale, vous allez voir ça va envoyer du lourd. Bon bah merci à vous en tout cas messieurs. Voilà, mais merci de nous avoir reçus. Merci pour cette belle nocturne. Voilà, merci. J'espère que ça a plu aux gens qui l'ont écouté. Ni les enfants. Salut DJ Duke. Attends, t'entends pas Duke. Merci Duke, t'étais là. Ouais. Voilà, big up à nos équipes respectives. Yeah, à tous nos gars. Voilà. Il y a trop de gens à nommer, mais un gros big up à tous nos gars qui nous soutiennent depuis le début. Vous-même, vous savez, à notre famille. Voilà. Et notre public surtout qui est toujours là, qui fait que grâce à eux, on continue à exister, même malgré qu'on soit peut-être pas dans le devant de la scène industrielle musicale française. Ouais. Mais nous sommes toujours actifs dans le terrain. Il n'y a qu'à voir nos concerts, il n'y a qu'à voir nos fans, comment ils se mobilisent et surtout notre évolution musicale. Et puis comment ils se régénèrent en plus. C'est ça qui est mortel, c'est que tu viens à nos concerts, déjà c'est blindé. Et en plus de ça, il y a notre génération. Il y a notre génération et puis il y a toute la nouvelle génération. Il y a des gens, il y a des enfants de 8 ans, 7 ans, il y a des adolescents. Tu vois, c'est ça qui est mortel. C'est que comme on a réussi à faire, entre guillemets, on n'a pas bluffé les gens dans notre travail, et bien les gens qui nous ont kiffé ont envie de faire découvrir ça aux plus jeunes, à leurs enfants, à leurs frères et sœurs et tout. L'Odyssée suit son cours. Exactement, et la lutte continue. Merci à vous en tout cas, Duke. Voilà. Tu t'es rapproché du micro, tu voulais dire un truc ? Absolument pas. Ok, c'était l'intervention de Duke. Ciao, merci à vous. Yeah, papa. Allez, big up, G. Ciao. La planète rap sur Skyrock. Nocturne. Et c'est reparti pour le son de la nocturne. Après la nocturne d'Assassin, voici Niro avec Caris. Caris, la mort au Tchitchi. La mort au Tchitchi. C'est maintenant dans la nocturne 100% rap français. Roulette. Âme personnelle, c'est que du business. Les couilles plus grosses que la boîte de vitesse. Appelle le 18, appelle le 17. Rappé comme ça, c'est vite. J'sors ma bite comme j'sors ma mixtape. La drogue a fait des ravages sur nos terrains vagues. L'outil tu perds à pas sa dette. Il nous faut sa dette sur une terrasse braque. Quand le R a pas joue pas les gangsters, rap le mec en place. En face t'as des vrais rapaces. Comme les grosses va pas ton papa. Quand on arrivera tu nous verras pas. J'ai changé de puce, fils de pute. Tu pourras tous nous mettre sur écoute. Garde la pêche, avale le noyau. Meurs sur le coup. J'tire pas sur eux, j'leur mets des claques. Y'a que pour l'oseille que j'me déplace. Moi j'leur parle de faire du cash. Eux ils m'parlent de faire des clashs. N.I.R.O. K2A. Tu l'attendais, maintenant tu l'as. Toi t'es musclé, mashallah. Nous on est armés comme le Hezbollah. On veut la beuh, l'argent de la beuh. Nique sa grand-mère à la crémière. Si je te prends la chatte en deux, quelle lèvre va tomber la première. Roulotte. Âme personnelle, c'est que du business. Âme personnelle, c'est que du business. Les couilles plus grosses que la boîte de vitesse. Âme personnelle, c'est que du business. Roulotte. La main au tchétchou. La main au tchétchou. La mort ou tchèche. La mort ou tchèche. Personnel c'est que du business. Les points plus grosses que la boîte de vitesse. Lève le troisième doigt pour les juges de propre et les forces de l'ordre. Si j'ouvre la bouche, ce sera seulement pour vous mordre. Ils ont rien d'autre à foutre, c'est ouf, ils s'ennuient. C'est pas encore le jour de l'an, ils ont déjà la fouffe qui s'enlutre. Un arc-en-ciel de billets aux couleurs bariolées. J'arrive pas à allumer ma clope car j'suis en cabriolet. Moi je sais pas faire semblant parce que j'suis un vrai négro. Si je retire mon masque, j'vais m'arracher la peau. T'as la chenille sous le legging. J'ai les pecs sous le gilet. Les épaules telles un friki. Et la gaule telle un mulet. Je veux des pains dans le jacuzzi. 5,65 dans le magasin du Uzi. Trouve-moi un repère des racailles. Si tu veux boire, nous me spère à la paille. La Hagra, paye si t'es un lobo. Tu nous connais, Nishton, Sus. Tout pareil, ce sont des robots. Si tu connais, j'serai dans le VIP Sista. Bouteille de sirop fraîche dans le seau. Bois tété les gros seins de Cheetah. À la crèche du zoo. Est-ce que âme personnelle, c'est que du business. Âme personnelle, c'est que du business.

On est conditionné à l'emprisonnement. Bats-toi, bats-toi, limite ça, t'as ton raisonnement. Pour rouler des produits de nos environnements. Nos mères auraient voulu qu'on grandisse autrement. On est conditionné à l'emprisonnement. Bats-toi, bats-toi, c'est à nous de prendre les devants. C'est à nous, c'est à nous, y'a C'est l'entourage. Jusqu'à la fin des temps. Dans la nocturne 100% rap français. L'album arrive le 26 mai. Nocturne sur Skyrock le vendredi soir, juste après D-Fool. Première partie nocturne avec des invités, c'était tout à l'heure Rockin' Squat et Monsieur Roca. Et là on finit tranquillement une deuxième heure avec du son, comme à l'instant, le son de l'entourage. Et maintenant, dans la nocturne 100% rap français, une jeune fille qui s'appelle Jessica, avec Sofiane Fianso-Man. Maintenant. DJ Rise. Et le son est produit par DJ Rise, le roi. Demande à ma musique d'où vient toute ma force. Toujours la même sans tresse, sans casquette, sans dreadlocks. Derrière le mic, c'est ma vie, c'est ma box. Quand les personnes attendent celui qui va dans mon torse. Demande à ma musique, parle à ma box. Demande à mon passé d'où vient toute ma force. Derrière le mic, c'est ma vie, c'est ma box. Tu peux rien arrêter, malheureusement pour toi. Stop, j'ai fait le tour de toutes vos guerres. Sans jamais croiser de gangsters. Ces manes ne savent pas qu'en stère. Elles ne font ni de buzz, ni de fraîche, ni de top. Métier stampéry, t'as capté le délire. Question de feeling, tu galères ou tu l'aimes. Non, on ne se refait pas. Ceinture de champions, bagarreur de Paris. J'ai perdu tellement de chicots, j'en regrette mes dents d'anglais. On se croise, on se reconnaît, ça sera jamais fini. Fini, fini, fini. Mon frère, à la vie, à la mort, ça sera jamais fini. Fini, fini, fini. Mon frère, je suis toujours le même homme quand je sors de scène. Stop, j'ai fait le tour de toutes vos guerres. Sans jamais croiser de gangsters. Ces manes ne savent pas qu'en stère. Elles ne font ni de buzz, ni de fraîche, ni de stop. Métier stampéry, t'as capté le délire. Question de feeling, tu galères ou tu l'aimes. Ah non, on ne se refait pas. Mon sang part pour moi. Il se fera pour moi. Si t'allais dans mes... Jamais les mains vides, je veux pas de civil dans la compète. Vite le Mathusalem, toujours bourré, jamais pompette. Je me colle au vrai, j'ai l'alcool mauvais. C'est s'il y a l'équipage, mais lâche tes manches, je suis refait. Laisse-moi, c'est cheval sur le capot, t'as beau tirer, tu veux ma peau. Je rappe au calibre sous mon chapeau, capot de la mafia, braco, narco, trafiquant tes Pablo. Transac dans un taco, ma gueule sur le drapeau. Alors assume si tu veux pas me chez là. Joue pas le fou, man, fais pas ton rôle, fais là. J'ai plus d'un tour caché sous mon umbrella. Sous mon umbrella, et là, et sous mon umbrella. Depuis petit, on me dit que j'ai pas l'âge. Trimballe du lourd dans les bagages, tout ce que je ressens sur l'étalage. Sous mon umbrella, force de rock, Vela. Remets du volume dans les bas, fais du fond de temps sur les balles. Stop, j'ai fait le tour de toutes vos guerres. Sans jamais croiser de gangsters. Ces manes ne savent pas qu'en stère. Elles ne font ni de buzz, ni de fraîche, ni de stop. Métier stampéry, t'as capté le délire. Question de feeling, tu galères ou tu l'aimes. Ah non, on ne se refait pas. Mon sang part pour moi. Il se fera pour moi. Si t'allais t'emmêler. Demande à ma musique, parle à ma voix. Demande à mon passé d'où vient toute ma force. Derrière le mic, c'est ma vie, c'est ma box. Tu peux rien arrêter, malheureusement pour toi. Rap français, planète rap. La nocturne. Challé. Los Gourmands, challé. Argenteuil 9500. La Dalla Zup, challé, tu nous reconnais. Depuis ton petit, me faut des billets. École primaire, tous les jours, raqueté. Les plus faibles y passaient. Sans pitié, j'suis pas fier, mais hey, c'est la vérité. Il me fallait des lovés, des tonnes de ses pieds. Pour serrer la plus belle fille de la récré. On vit dans un monde de fous malades. couilles, le monde est taré. Ambitieux, je suis né, je vais tout baiser. Je vais dépouiller la France un peu comme Isaac. Je vais tout claquer, m'enjailler, j'allais faire plaisir au refrain sur toi la madre. La nocturne 100% rap français avec les jumeaux du 9-5 d'Argenteuil, Los Grumos. À l'instant, sur Skyrock, la nocturne 100% rap français qui continue avec Achille Tal. Le morceau s'appelle Port-au-Prince dans la nocturne sur Skyrock. Planète Rap. 100% rap français. T'arrêtes de checker, voilà, ça sent roussi, reste pas dans les pages. Des terres qui peut contenir ma rage. Chut, talent qu'on te lâche. J'compte bien défoncer les barges, des lance-roquettes remplacent les calaches. On bagaille, dans tout le monde out. Mais, casse pour y arriver. Arrêtez la pavé, lancez canon sur la tempe, tu finis par danser. Arme russe, voiture allemande, haïtien, magie noire. Tu mettras personne à l'amende ici, on te fait glisser comme sur une patinoire. Retiens le place, 7, 5, 0, 10, la basse. Au son de ma voix, le public s'embrasse. Little H, marche sur des braises. J'suis venu alimenter les jaou. Un pack de bas sur les pau. Bim, bam, boum, kao. J'te souhaite un salam les coups, frère, ciao. J'l'ai fait trembler comme un port au prince. J'l'ai fait trembler comme un port au prince. J'l'ai fait trembler comme un port au prince. J'l'ai fait trembler comme un port au prince. J'l'ai fait raquer même les plus grosses pinces. J'l'ai fait raquer même les plus grosses pinces. J'l'ai fait raquer même les plus grosses pinces. J'l'ai fait raquer même les plus grosses pinces. Rap français 100% explicite lyrics. La nocturne. Elle aime cette Luc DGC, la fameuse table. On fait cette maille, on fait cette maille. Ma gosse, c'est pour ça qu'on bosse. Si tu penses pas pareil, dis-moi pourquoi toi tu bosses. Enfin bon, sortir de gun, si tu sais que tu vas pas tirer. Pourquoi vendre de la drogue si c'est pas pour quitter le quartier? Elle fait cette maille, fait cette maille. Tous les jours, chaque euro gagné d'un pas vers la sortie du trou. What's up fou, de quoi tu me parles? Je casse tout, ouais, t'inquiète négro, c'est lui qui parle. C'est son du gunshot. Je casse tout, ouais t'inquiète négro, c'est lui qui parle. Critique pas, c'est son du gunshot. Je casse tout, ouais t'inquiète négro, c'est lui qui parle. Ces négros sont des shots, on se doit de les shooter. Gunshot, je les vois chuter. Je les vois dégâts. Pire combat, exécuté par plusieurs soupçonnés d'être des trous de balle. Quand je barre dans le ghetto. Pas de mytho, mon gosse accuse, je suis négro. J'suis dans un délire de cowboy, j'aime les guns au champ. Montre les négros en l'air, on est descendants. Ouais, c'est trucidant. Comment j'rappe? Transcendant, t'as aspect, dois-toi la chatte. Fais pas zère, ma t'es choqué. Écarte les cuisses, la bite dressée, j'veux tout par choquer. On fait cette maille, tous les jours. Chaque euro gagné d'un pas vers la sortie du trou. What's up fou, de quoi tu me parles? Je casse tout, ouais t'inquiète négro, c'est lui qui parle. Qui kick pas, c'est son du gunshot. Je casse tout, ouais t'inquiète négro, c'est lui qui parle. Qui kick pas, c'est son du gunshot. Je casse tout, ouais t'inquiète négro, c'est lui qui parle. Te comprends pas, je suis trop vrai dans le jeu. Émeraude dans les yeux de ces putains haineux. Fini l'époque qu'on se faisait hagal par les plus vieux. Terre la Corée du Nord, mon gars, on est belliqueux. Transformation, métamorphose, Naruto, neuf que. En mode Kubi, mon gars, viens pas test ma force feu. Le homicide, Miss Wallace feu. Mon frère Bida et le G.I. veillent sur moi depuis les cieux. Et tu sais que je royalise chocolat et feu. Et tu sais que pour monter, on fait ce qu'on peut. A défaut de pouvoir vivre comme je le veux. Je suis sur le terrain dès le matin et je compte les E. On fait cette maille, tous les jours. Chaque euro gagné d'un pas vers la sortie du trou. What's up fou, de quoi tu me parles? Je casse tout, ouais t'inquiète négro, c'est lui qui parle. Qui kick pas, c'est son du gunshot. Je casse tout, ouais t'inquiète négro, c'est lui qui parle. C'est son du gunshot. Je casse tout, ouais t'inquiète négro, c'est lui qui parle. Fais cette maille, ma gosse, c'est pour ça qu'on bosse. Si tu penses pas pareil, dis-moi pourquoi toi tu bosses. À quoi bon sortir de gun si tu sais que tu vas pas tirer? Pourquoi vendre de la drogue si c'est pas pour quitter le quartier? Merci, je suis la famille. La

Nocturne à l'instant avec le son de Black M sur son album Les yeux plus gros que le monde à force d'être, c'était le nom de ce morceau. Prochaine Nocturne dans une semaine à pas louper, juste après Difool le vendredi soir. On se retrouve lundi aussi dans Planète Rap juste avant 20h avec Kaina Samed qui débarque avec son nouvel album, il était attendu, elle débarque toute la semaine prochaine sur Skyrock. D'ici là, bonne soirée, bon week-end, bonne nuit.